catch a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's there! It's there! He did it! He did it! Cody did it! That play, here's a shot! Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The man have won. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la toute dernière émission avant Noël de l'inconduite de partie. L'émission qui, comme à chaque semaine, vous parle de sport d'un peu partout à travers la planète. Ce matin, en studio, il fait son retour dans le micro 5, M. Sébastien Proulx. Bonjour tout le monde. Ah, la grosse voix, Sébastien Proulx. Hein? Toujours un ton de voix stable, mon Seb. Ouais. Bonjour tout le monde. Un petit cadeau pour vous ce matin. Oh, vas-y. Ah, ok, c'est toi le cadeau. Ah, okay. Ah, c'est moi le cadeau. Je t'assure que t'avais de quoi de spécial. Tu es le cadeau, hein, d'accord. J'ai dormi 3h30 pour venir vous voir. Oh oui, c'est vrai. J'ai fini de travailler à 2h30 du matin. Ton emploi en communication, tu termines tard. Oui, hein? En communication. Et dans l'autre coin, au micro 4, Philippe Doucet. Ça va bien, Philippe? Ça va super bien. On va être indiscipliné ce matin, j'ai l'impression. Ah ben écoute, c'est la dernière. On peut se gâter avant Noël. La dernière avant Noël. Va joindre aussi. Bon, aujourd'hui, Philippe, ben, comme d'habitude, tu nous parles un peu de soccer, petite semaine. Pas grand chose au niveau du soccer. En fait, comme je l'ai dit la semaine dernière, la première ronde est terminée. Donc, ça va en février pour la suite au niveau de la Ligue des Champions. Fait qu'on va avoir la Barclays League. Tu viens de faire la moitié de ta chronique, là. Yes, sir! Seb Proulx, ben écoute, la raison pourquoi t'es ici, UFC 124 la semaine dernière, on va revenir là-dessus. J'ai vécu l'expérience à Montréal, je m'en viens vous parler de tout ça. Et en fin de semaine, on va parler boxe, Jean-Pascal Bernard-Hopkins à Montréal. Déjà, les hostilités ont commencé entre les deux. Va joindre à nous le premier Jonathan Bernier de ruefrontenac.com qui va joindre à nous pour parler du Canadien vers 9h35. Et vers 10h15, Jonathan Roberge, l'hebdo du Saint-Maurice, va se joindre à nous aussi. On va parler de hockey junior majeur, les cataractes, la dernière saison et le... La période des échanges qui arrive au hockey junior majeur, donc on va discuter de ça. Moi, je vous parle des Patriotes et JP Grenier va joindre nous vers 10h pour parler football, les bowls américains au football collégial américain, ça vient. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Mais tout d'abord, débutons avec des nouvelles de nous, des nouvelles de l'inconduite. Tout d'abord, ceux qui ont été... Tu viens de prendre un ton solennel tout d'un coup. Ouais, j'ai donné moi un petit thème que Jeannette Bertrand avait là, à Télé-Québec, puis... Pardon, vous êtes trop jeune, hein, désolé. Oui. Pas fort. S'il y a quelqu'un de plus que 30 ans qui écoute, des gens qui ont plus que 30 ans savent de quoi je parle. Là. Peut-être Max Gélina. Salut Max. Salut Max. OK. Parlons-nous. On a un nouveau, le tout nouveau inconduite de parti.com qui a été lancé cette semaine. Nouveau site, plus convivial, je dirais, beaucoup plus pratique. La raison pourquoi on a un nouveau site, pas seulement parce que j'ai eu une subvention du gouvernement. Non, j'ai pas eu de subvention. Pas seulement pour avoir un beau site, tout simplement, mais l'inconduite de parti va grossir, va grandir dès le retour des fêtes, dès le 10 environ. La raison pourquoi... Je vais être à temps plein ici, donc assez fou et aux ondes campus. Et on va maintenant avoir deux émissions par semaine de l'inconduite de partie. Une le lundi parce qu'on revient la fin de semaine et une le vendredi parce qu'on part en fin de semaine. Donc, on va pouvoir parler de tout ce qui va se dérouler dans le sport. Joanie Dufresne a fait un texte là-dessus dans le Zone Campus pour les étudiants et même pour les gens de Trois-Rivières. Je sais qu'il est distribué un petit peu partout, Zone Campus, journal dans lequel j'écris aussi. Là. Qui résume quand même bien ce qu'on va faire. Donc, plus d'émissions. Toujours la même case horaire. Plus de chroniques, toujours la même case horaire. Donc, les lundis et les vendredis de 9 à 11, votre matinée sportive, si on pourrait l'appeler comme ça. Philippe, tu vas être avec nous tous les jours. Effectivement. Tous les jours, les deux jours. Ben, les deux jours. On s'entend là-dessus. Oui. On va sûrement avoir un nouveau chroniqueur aussi qui va joindre à nous, un nouveau co-animateur, devrais-je dire. On est en audition. J'ai mon idée. Donc, on va voir ça. Et les contenus vont grossir. Vous allez avoir plus de textes. On va suivre de plus près les cataractes de Shawinigan. Vous allez pouvoir lire les textes d'après-match sur les cataractes pour la plupart des matchs ou les textes après Patriotes, après-match des Patriotes. Donc, on va devenir un petit peu le... Une des références en Mauricie, on va s'attarder beaucoup plus au sport de la Mauricie et veux pas, j'ose en déduire que l'émission va être meilleure parce que quand t'as plus de temps pour la préparer, que t'as pas 10 000 cours et l'autre travail et tout ça et tout ça. On va avoir de quoi de très intéressant pour vous, j'espère que vous allez aimer ça. Allez, commençons tout de suite l'émission. Allons-y avec le hockey des Patriotes. On sait les Patriotes, bon ben, on n'est plus en action, hein? On n'est plus en action, on est la pause de Noël. Du côté des Patriotes, je vais faire mon analyse de mi-saison un petit peu. Okay? Les gars, vous le savez, ça n'a pas commencé super bien la saison des Patriotes. On parle d'un des pires débuts de saison qu'ils ont jamais eu. Du moins, on peut remonter jusqu'aux années 80 pour voir un début de saison aussi difficile que ça. Pourquoi? J'ai analysé ça un peu. J'ai discuté avec des joueurs. Un m'a dit, écoutez, on a un entraîneur, Marc-André Kilko, qui a beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouveaux plans de match, mais nous, on est, pris pied dans le béton un peu. On est habitué à nos anciennes méthodes, puis c'est difficile de faire changer, hein? On n'apprend pas un singe à faire des grimaces, et voilà. Donc, quand tu sais que t'as une équipe gagnante, t'as une équipe qui a fini première au classement l'an dernier, puis tu te fais dire, on va changer ça, ça, ça, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Et je pense que ça a été un petit peu plus long à ce que les joueurs réalisent qu'ils devraient travailler, puis qu'ils devraient peut-être changer leur méthode. Ça semble être compris. Mais on a eu de la misère aussi, à trouver des nouveaux trios qui fonctionnaient. Pourtant, c'est étonnant, des trios qui fonctionnaient. Là, on se souvient l'an passé, Breton, Bellavance Martin et Charland, là, la BCB, là, la BBC plutôt. BBC, OK, c'est correct. Ça, je le retiens pour les autres semaines. Un nickname pour une ligne, là. C'est rare, ça. C'est fantastique. Ah, après, tu peux poursuivre. La punchline, hein? La BBC Line? Non? OK. Toi, tu préférais la CBC Line, hein? Donc, au niveau de ça, c'est étonnant, mais on semble lentement commencer à trouver des trios qui vont aller bien. L'équipe prend confiance, comme je dis. On a été chercher des grosses victoires dernièrement contre McGill, contre Carlton. Par contre, j'ai hâte d'avoir une équipe qui va être capable d'aligner des victoires solides. Des 4-0, des 5-1. Des 6-2, vous voyez, je monte d'un chiffre à trois coups. Des victoires convaincantes. Là, présentement, là, si on regarde les derniers matchs, là, je pense que les 5 à 6 dernières victoires des Patriotes, c'est toutes par la marque d'un but. Toutes par une avance d'un but. Dans ces matchs-là, on s'enligne pour une victoire convaincante, puis là, l'autre équipe remonte. Oui, finalement, les Pats réussissent quand même à gagner. On mène 2-0, on se fait remonter. McGill, on menait 2-0 contre McGill. Pouf, c'était 3-2 à la fin de la première période. On les a blanchis pour le reste du match, mais on s'est quand même fait rattraper. Quand même, on a gagné ce match-là contre McGill. On a gagné ce match-là contre Carlton. Ça augure bien, j'ose penser. J'aimerais toutefois avoir plus de certains gars. J'aimerais avoir plus de Félix Petit. Félix Petit, l'an passé, qui avait au-dessus d'un point par match. Une grosse fin de saison. Cette année, c'est plus difficile de son côté. Pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas si c'est le fait de jouer avec les trios, s'il n'est pas bien à sa position. Difficile à dire, mais pour l'instant, ça ne c'est pas un gros succès pour lui. Jean-Christophe Blanchard aussi, qui a eu un début de saison difficile. Ça s'est amélioré dernièrement. Contre McGill, a connu des bons matchs. Contre Carlton, a connu un bon match. Donc, on se reprend du côté de Blanchard, mais il y a encore du travail à faire. Ça continue comme ça, ça va aller bien. Emmanuel Boudreau, une recrue de première année, je m'attendais aussi à un petit peu plus de lui. Par contre, son utilisation est un petit peu plus faible. Ne joue pas sur le premier avantage numérique, donc c'est probablement ce qui nuit un petit peu au niveau de sa feuille de ses pointages. Mais quand même, j'aimerais voir un petit peu plus de Boudreau. Il est capable, ça, je suis pas inquiet. Dans les points positifs, parce qu'il y en a des points positifs, je vais commencer avec Olivier Donovan. Petit Olivier Donovan à 5-6, 5-7 environ, avec des patins. Pas le type de gars à se laisser faire, et ça se voit sur la patinoire. Il est un des meilleurs joueurs présentement chez les Patriotes au niveau des points. De voir un gars comme ça qui sort de l'ombre, à qui on a confié plus de responsabilités en début de saison, se démarquer comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je vais parler aussi, bon, Francis Charlin, c'est sans surprise, là. Francis, de son côté, toujours le même bon joueur, toujours le même gars stable au niveau de sa production, de pas loin de 2 points par match, là, du côté de Francis. Donc, voyez-vous, Francis, il y a 22 points en 15 matchs, un petit peu moins que je disais, mais c'est pas grave. Il a manqué 2 matchs pour une commotion aussi. Je peux parler aussi de Pierre-Luc Lessard, le défenseur qui, tant qu'à moi, les trois que je vais vous nommer, probablement mes trois étoiles de la saison, et c'est les trois étoiles d'une autre personne qu'on va entendre parler tantôt. Donc, Pierre-Luc Lessard qui est vraiment, là, ces trois-là ont élevé leur jeu d'une coche. Ils ont monté, ce qui fait que les Patriots, à date cette année, ont la fiche qu'ils ont, mais que ça pourrait être pire. C'était trois gars qui ont été les clés dans les succès des Patriots dernièrement. Surtout en novembre, Lessard a comme 2 points par match pour un défenseur. Là. C'est assez convaincant, merci. Parler dans les fêtes, les gars, début janvier, vont aller dans une retraite en Estrie, dans le coin du Montford. Vont jouer du hockey, vont avoir une glace, puis ils vont pouvoir pratiquer des choses, être ensemble, faire un peu de team bonding, comme on appelle. Donc, ça aussi, ça devrait être positif pour la saison qui commence le 7 janvier contre les Stingers de Concordia, Stingers qu'on n'a pas encore affronté du côté des Patriots. Donc, j'ai demandé à Jacques Laporte à quoi qu'il s'attendait pour le reste de la saison et aussi, bon, pour le reste de la saison et comment il avait vu un petit peu son premier début de saison. Donc, on va aller écouter ce qu'il avait à dire là-dessus. C'est encourageant pour ce qui s'en vient. Je pense qu'il va nous rester 12 matchs à jouer. On va essayer de travailler sur du renfort encore, mais c'est pas le renfort qui va faire la différence. Ça viendrait rajouter à ce qu'on a là. Les gars, on sent qu'il y a une bonne chimie, un bon esprit de vouloir s'améliorer. On sent que les gars travaillent dans le même sens. Il y a pas de dissension, de clic. Ça, c'est comme ça arrive souvent à l'intérieur d'une équipe. Les gars viennent ici avec l'intention de former une équipe. Ça, c'est le premier objectif. Puis après les fêtes, tout le monde connaît l'enjeu. T'sais, ça va se passer dans notre division, pour la game contre Queens, contre Carleton, contre Concordia qu'on n'a pas joué, contre Ottawa qu'on n'a pas encore joué. Écoute, ça va être super important, ces matchs-là. Et puis, on sait comment c'est complètement différent après les fêtes. Il en reste peu. C'est clair, l'objectif est de plus en plus clair parce qu'il est à portée. C'est-à-dire un mois après les fêtes, paf, c'est playoff, puis tu peux être sorti en 2 matchs. C'est ding-ding, c'est tout le monde le vécu dans la chambre, sauf 4-5. Quand t'as bien des recrues, c'est comme inquiétant parce que tu sais pas, ils savent pas à quoi s'attendre. Ils savent pas que t'as beau leur dire, mais ils savent pas que c'est vite, 2-3. Alors que là, ben, c'est très, très rapide. T'es le joueur le plus fier, là. T'es toi, tu t'avais à mettre 3 étoiles, là, pour, depuis le début de la saison? Lessard, assurément. À l'attaque, Charlin, ça, c'est évident. Et puis, je pense qu'un qui est souvent dans l'ombre et qui fait du bon travail, c'est Donovan. Faut vraiment lui donner crédit. On lui a fait confiance, c'est un trio offensif. Il nous en donne beaucoup. C'est souvent l'oublier, même dans les nouveaux, Robichaud, il a manqué un peu de match au début de l'année. Depuis qu'il est là, c'est bien aussi. Je pense que Donovan, Charlin, puis l'essence, c'est peut-être. Alors, c'était Jacques Laporte qui nous disait bon un petit peu comment qu'il a vu le début de saison et comment ça l'augure pour le reste de la saison. Et, bon, je pense que ses choix d'étoiles étaient les mêmes que moi, définitivement. Mais si au niveau du classement, je vais vous rappeler le classement comment c'est présentement du côté de les sports de l'Université de l'Ontario. McGill dans l'Est est toujours premier. Grosse avance du côté de McGill, pas de problème, 34 points. On a 10 points d'avance sur les Patriots, un match en main, mais ça change pas grand-chose. Qui sont eux deuxièmes avec 2 points d'avance sur Carlton et Ottawa vient troisième, quatrième plutôt, les GGs que les Patriots n'ont pas encore affronté. Donc, de leur côté, ils vont les rejoindre, ils vont les voir pas mal plus, eux et les Stingers, après le temps des fêtes. Hey, je vous parle. 4 fois. Vas-y, 4 fois, ouais, c'est ça. Okay, il y a 4 matchs. Les Stingers, ça va être la même chose. Si je ne me trompe pas. On va parler des universiades, messieurs. Universiades qui est, bon, les Jeux olympiques des universitaires à travers le monde. C'était le cas d'entraînement la semaine dernière du côté de Toronto. Les trois joueurs des Patriots allaient représenter le QTR, mais allaient se rendre là. On parle de Francis Charlin, on parle de Étienne Bellavance-Martin, on parle de Pierre-Luc Lessard. On va aller écouter, il y en a un des trois pour le nommer Francis Charland, qui a obtenu un coup de téléphone positif. Donc, on va aller écouter ce qu'il avait à dire. J'ai été appelé hier soir là, par le coach, puis qui me confirmait que j'étais dans l'équipe. Là. Il t'a dit quoi exactement? Ah, ben, il m'a dit qu'il était bien content de m'avoir dans l'équipe, puis qu'il était excité, puis qu'il avait hâte que ça commence. Là. Mais ça s'est fait vite, là, parce que il y avait quand même 31 joueurs à appeler dans la journée, fait que. C'était quand même, ça s'est fait rapidement, là, mais moi j'étais bien content là, de juste avoir été choisi. Là, c'est sûr que ça j'étais bien content. Là. T'as trouvé ça comment, le Canada, comment c'était arrangé? Puis, Ah ben c'était super bien organisé, puis mais c'est sûr que c'était difficile physiquement. Là. On était sur la glace à peu près 4 heures par jour, puis c'était sans arrêt. Là, fait que ça vient brûlant, mais c'était une belle expérience, par exemple, puis on était vraiment bien traités. Donc, Francis Charland qui a été gardé pour faire Équipe Canada universitaire cette année. Les Jeux, ça va se dérouler du 23 janvier au 6 février. Pierre-Luc Lessard et Étienne Bellavance-Martin n'ont pas été conservés, n'ont pas été retenus, leurs services n'ont pas été retenus. Quand même surpris du côté de Lessard. Francis me disait que tant qu'à lui, les deux avaient leur place, mais on a préféré y aller dans d'autres directions. Je veux pas soulever de débat, je veux pas soulever de controverse, mais je me demande si c'est le fait que les deux gars venaient de l'UQTR que ça a pu nuire. Moi, je me le demande honnêtement. Le fait que Lessard, qui est deuxième meilleur marqueur, si je me trompe pas, dans les défenseurs, ne soit pas gardé là-bas, je me demande quel type d'équipe on bâtit là-bas. Parce que, en tout cas, personnellement, le fait qu'il n'a pas été gardé. Du côté de McGill, ben, c'est 4 joueurs des Redmond qui ont été gardés. On parle de Francis Véropol, Evan Vassin, Maxime Langelier-Parent et ainsi que le défenseur Marc-André Dorion. Comme je dis, là, je parle pas parce qu'ils sont Québécois. Là. Je parle vraiment parce qu'ils sont du QTR. Ben, le McGill a quand même 0 défaite en réglementaire. Oui, ouais, c'est oui, ça. Non. Les 4 gars de McGill qui sont là méritent d'être là. Puis les Patriots commencent à avoir du succès. Okay. Non, mais je veux dire, sont quand même deuxièmes. Il y a d'autres joueurs qui ont été gardés. Mm-hmm. Moi, ce que je me demande, c'est si c'est parce qu'un gars comme Lessard qui n'est pas gardé, très, très, très surpris. Écoutez, d'un autre bord, ben, ça ne sera pas négatif pour les Patriots parce que durant cette période-là, il ne manquera pas deux gros piliers. Tandis qu'à McGill, il va en manquer 4 énormes piliers. On s'en entend là-dessus. Hey, le fait que Vassin a été gardé, c'est pas... Vassin, c'est un joueur de deuxième ligne. C'est pas Wayne Gretzky. Oui, mais ça te prend 4 lignes. C'est une équipe, Nick. Là, ça t'en prend des gars de deuxième, ça te prend des gars de trois. Je sais, mais Evan Vassin n'est pas mon joueur typique de troisième ligne non plus. Non, comprends? Non, je sais bien. Okay? Il a quand même 18 buts en 18 matchs. Oui, Vassin, mais... En tout cas, j'aurais aimé être là pour voir ce qu'il en était, mais regardez, c'est pas la première fois que des choix sont difficiles à prendre et sont, en tout cas, mais surpris surtout du côté de Lessard. Du côté de Bellavance-Martin, il l'a pas eu facile. Ils ont affronté Team Canada Junior, c'était mardi. Si je me trompe pas, le match, bon, on regarde les faits saillants à TSN et malheureusement, seul fait saillant qu'on voit, c'est Francis Charland, mais Étienne Bellavance-Martin qui reçoit une rondelle en plein visage. Et c'est M. Charland qui a envoyé. Elle a dévié, là, mais c'est M. Charland bon, qui avait. Un bon lancer du poignet. 13 points de suture et une bonne marque. Là. J'ai vu Bellavance-Martin hier. Oui. Puis, bon, c'est une bonne blessure, là, mais c'est pas. Il va bien s'en tirer quand même. Là. C'est pas si. Ben, il a si pas perdu de chiclets. Non, non, en perdant pas de chiclets, ça l'aide un petit peu. C'est une bonne ouverture, mettons. Ça te laisse des marques. C'est ça, le hockey. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour les Patriotes. On va aller en musique. On va aller écouter Ariel avec la chanson Mauve. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes. Je m'excuse. La chanson chargée. On va appeler ça comme faux. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Love without a starvation. insulte. Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. On est de retour, c'était Ariel, chanson chargée. Allons-y avec le hockey local en Mauricie, du côté du collégial, hockey masculin collégial. Le Collège de la Flèche disputait un seul match la semaine dernière. C'était contre les Sorel Tracy. Ils l'ont emporté par la marque de 4-3. C'était disputé ici au pavillon Claude Mongrain. Du côté des Estacades, messieurs? Une défaite de 7-0. Quand ça? La dernière, avant hier. Avant hier, OK. 7-0 contre le Collège Charlemagne, puis affronte Lévis deux fois en fin de semaine, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, du côté des Estacades. C'est à Lévis? Une fois, je pense que c'est pas. Un aller-retour, d'accord. Oui, j'ai oublié de dire, du côté du Collège de la Flèche, les Dragons, on est en pause de Noël présentement, donc il n'y a plus de match. Du côté du Carongué de Trois-Rivières, ils étaient en action, c'était le vendredi dernier, contre le 3L de Rivière-du-Loup. C'est une victoire ici au Colisée de Trois-Rivières par la marque de 4-3. Et le lendemain, ils étaient en action au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Donc, encore une fois, un match aller-retour. Cette fois-ci, c'est encore une partie qui s'est terminée par la marque de 4-3, mais c'est en faveur du 3L. Ce soir, ils affronteront Sorel. C'est à Sorel, justement. Là, donc, déplacez-vous. C'est pas super loin, Sorel, d'ici, avec le traversier. Avec le traversier, en fait, le traversier prend 45 minutes. Ouais, c'est ça. Ben, le traversier prend une demi-heure, puis ça prend 45 minutes pour te rendre. Fait que t'es aussi bien de prendre le pont puis de descendre sur l'autre bord. Ah, par la 132. Bah ouais. Ah, oui. Parce que toi, t'es un gars de Berthierville. T'es un gars de Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert. Tout près de Berthierville, en fait. Côte à côte. Côte à côte. Mais je te rappellerai que le traversier n'est pas à Berthierville, il était à Saint-Ignace. Ah, vous êtes fatigué. Qui est deux villages passés, Berthierville. Non, mais c'est parce que j'ai des amis là qui sont là-bas, qui sont sensibles à ça. Il faut reconnaître leurs îles. Il y en a 101, dont deux habités. Donc, il faut le mentionner. Et sur ça, on s'en va une pause. Au retour, Jonathan Bernier se joue avec nous. On parle du Canadien. Vous écoutez la conduite de partie sur C'est fou. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Just like no one. Et c'était Twisted Sisters avec la chanson White Christmas, une reprise de une reprise de la toune de Noël. Là. Je ne sais pas qui, honnêtement, je ne sais pas qui faisait la toune. Hein. Mais ça varge le matin, hein, parce que moi qui travaille dans un centre d'achat à part d'ici, content d'entendre un autre type de chanson de Noël que les bons vieux cantiques interprétés par Marie-Michel Desrosiers et toute sa bande. Se joignent à nous de rufondac.com, Jonathan Bernier. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, oui, vous autres? Ben oui, comme notre super, super bien. Ouais. Écoute, pour la toune de Noël, ouais. Ça se peut-tu que ce soit genre de Bing Crosby ou Nat King Cole? Là? Ça sonne bien, je trouve que... Hein, ça sonne pas mal. C'est deux références dans le domaine. Habituellement, là, on ne trompe pas. Si on prend une chance sur deux, on devrait tomber dessus. Ouais. Hey, Jonathan, je te présente Sébastien. Sébastien qui est, sans être un nouveau, c'est un retour d'un matin, un one night stand ce matin, un one morning stand, devrait-on dire, qui se joint à nous. C'est Sébastien qui a été avec nous la saison dernière et qui est un très grand connaisseur de hockey, donc vous devriez pas mal bien vous entendre. Bon, ben, super. Donc, Jonathan, Rufondac, qui est le journal qui est sorti hier, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans? Ben en fait, on a le droit à notre premier front de sport depuis le début de l'apparition de Rue Frontenac. C'est avec notre ami Piquet Souven. Oui. Piquet Souven qui a défrayé la manchette ces dernières semaines, entre autres avec son le fait qu'il a été mis de côté par Jacques Martin pendant 3 matchs, son purgatoire. Donc, on revient un peu là-dessus, puis on revient un peu à ses impressions, les impressions que le jeune homme a sur la punition qu'il a eue, puis pourquoi il pense qu'il a été puni de la sorte. Donc, puis est-ce que ça va affecter son jeu aussi, là étant donné qu'on lui a un peu reproché de prendre des risques non calculés et aussi de peut-être manquer un peu de respect, façon de parler envers les vétérans. Là, c'est un jeune homme qui aime ça prendre de la place, puis je pense pas que c'était pour mal faire, mais ils ont simplement voulu lui rappeler qu'il venait de rentrer dans la ligue, puis peut-être qu'il y avait des étapes à franchir avant de pouvoir s'extérioriser là, comme il l'a fait dernièrement. Est-ce que le terme « étalon sauvage » serait bon pour décrire Piquet Souben? Oui, tout à fait. J'avais « cheval fou » aussi, là, cheval un peu... « Wild Stallion ». Oui, c'est ça. C'est le joueur qui... si tu le restreins, ben, lui, il va être encore plus enclin à briser ses chaînes, si on veut, à exploser, là. C'est un peu, je pense que c'est un peu ce genre-là, mais c'est un joueur intelligent, donc j'imagine que une fois que l'expérience va être acquise, là, il va peut-être être à mesure lui-même de se contrôler à ce niveau-là et de savoir quand c'est le temps de prendre des risques et quand c'est le temps de rester en arrière, là, de se concentrer sur la défense et non pas pincher pour se faire prendre à contre-pied et créer des surnombres en zone défensive. Avec un exemple comme Jaroslav Pašek dans le match de Philadelphie et... Je suis pas sûr que c'était le bon exemple à montrer. Non, c'est sûr que ça a sûrement pas aidé. Il a sûrement pas mis ça dans son carnet de notes, j'espère, en tout cas. Non, ça c'était pas c'était la gaffe qui a coûté le match. Le Piquet en a fait une par la suite, mais le mal était fait. Ouais. Exactement. Hier soir, on affrontait les Bruins de Boston et est-ce qu'on peut dire oui que le pointage ne reflète pas un peu le match? À 4-3, il me semble que ça aurait pu se finir 4-1, puis je pense que ça aurait été plus représentatif. Oui, bien tout à fait, même ça aurait pu se finir 7-1 là aussi. Ouais. Là. Disons que Tim Thomas en a volé quelques-uns, là, je pense entre autres à l'arrêt sur Brian Junta, là, avec le casque entre autres. Là. Mais effectivement, là, ça aurait pu... Puis il y a eu c'était des buts bizarres aussi là, pour les Bruins. Il y a eu deux rondelles déviées en... sur des lancers de la pointe, puis il y a eu aussi le but de Blake Wheeler là, du côté, là, qui a comme... qui a rebondi sur la jambière de Price avant de rentrer dans le but. Le Canadien était malchanceux sur ces buts-là, mais heureusement, en tout cas, ça arrive que même si t'es malchanceux, tu réussis à remporter des matchs, puis hier, ça a été un de ces matchs-là. Un match que je considère qui ressemblait vraiment à un match de série entre les Bruins et le Canadien, le bon vieux match typique là, avec de la robustesse, de l'intensité au maximum, puis des jeux autant d'un côté comme de l'autre là, qui se tenaient sur le bout de ton siège. David Krejci, Mike Cavallari qui jette les gants. Le commentateur, je pense que c'était Pierre Wood dans le fond, qui dit qu'est-ce qu'on voit là? Je suis pas sûr. Là. Ben j'avoue que sur la passerelle, tout le monde était un peu surpris. Ça a fait comme il y a comme une réaction de hein? En voulant dire qu'est-ce qui se passe là. Puis, deux gars qui en étaient probablement, en tout cas pour Kamalary, c'était son premier combat. J'imagine que Krejci, c'est pas un expérimenté non plus en la matière. Mais ça s'est vu. En fait, ce qui a été drôle quand même, c'est que ces deux gars, justement, qui en étaient à leurs premières armes de ce côté-là, puis les deux ont réussi à ouvrir l'autre, si je peux dire. C'est comme, comme des boxeurs, fait que c'est un peu cocasse. Des fois, tu vois des poids lourds se tapocher, puis ils rentrent au banc, puis ils ont des rougeurs dans le visage, simplement. Mais là, les deux avaient des coupures au visage, donc c'était drôle un peu de ce côté-là. Et puis, après le match, David Krejci et d'autres joueurs des Bruins aussi ont dit que, en fait, pour expliquer un peu cette bagarre-là, puis aussi le fait des fois qu'on voyait les joueurs des Bruins de courir après les joueurs du Canadien, après les arrêts de jeu, là, les autres ont accusé les joueurs du Canadien de d'être fervents, de petits coups par en arrière, après le sifflet, là, des petits coups de coude que les arbitres ne voyaient pas nécessairement quand ils ont le dos tourné, des petits coups de bâton en arrière des jambes. Fait que ça a bien gros embarrassé puis bien gros agacé les joueurs des Bruins, puis c'est la raison pour laquelle, en tout cas, c'est de cette façon-là qu'ils ont expliqué pourquoi ils s'en étaient pris aux joueurs du Canadien. Et évidemment, la mise en échec de Piquet-Souven en début, ben, pas en début, oui, de match, mais en fin de première période, a aussi mis le feu aux poudres. Une mise en échec que je considère tout à fait légale. Oui. Il n'y avait pas de coude, il n'y avait pas de... Il y avait du dos, juste un dos. Il y avait du dos, mais il n'a pas visé la tête. Il y en a qui disaient qu'il y avait, tu sais, les patins avaient quitté la glace, mais ouais, quand tu regardes la reprise, tu vois que c'est vraiment l'impact qui a fait soulever les deux joueurs. La mise en échec est survenue tellement dans un bon timing parce que les Bruins venaient de réduire l'écart à 2-1. Puis là, on voyait que le jeu, les Bruins, justement, commençaient à reprendre du poil de la bête, puis le jeu voulait changer de bord tranquillement, pas vite, puis là, les Bruins étaient plus menaçants. Puis on dirait que cette mise en échec-là a ramené le momentum du côté du Canadien. Puis, donc, c'est ça, c'est une mise en échec, là, comme Subban en fait depuis... À chaque fois qu'il joue, là, on dirait tout le temps qu'en début de match, il faut qu'il applique une bonne mise en échec solide. Il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui disent que ça réveille l'adversaire, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, justement, tu peux pas commencer à te laisser intimider. Là, on parlait, entre autres, contre les Flyers, que ça avait allumé les Flyers, puis il a fait la même chose contre les Bruins d'hier, mais moi, je suis de cette école-là. Si tu veux pas te laisser intimider, tu sais, va au front le premier, puis montre que t'as pas peur, puis que tu reculeras pas. Pis, non, c'est du hockey, c'est spectaculaire, c'est aussi. C'est spectaculaire. Puis, dans l'Ouest, ça arrive souvent avec des Cronwall puis des joueurs comme ça. C'est leur style. Fait que, exact. Puis ça a allumé le monde aussi dans les gradins. Là, sur l'écran géant, ils montrent tout le temps des reprises des jeux. Et puis, quand ils ont montré la reprise de Subban, on voyait le joueur, on voyait Marchand arriver, puis Subban s'approchait de lui. Puis quand il y a eu le contact, je pense que les 22 000 personnes dans les gradins ont fait « boum ». Ça a eu comme un effet d'écho dans le Centre Bell. C'était assez plaisant, là, ça a allumé la foule. C'est le type de mise en échec qu'on voit pas souvent de la part du Canadien. Ça arrive presque jamais. Ça arrive jamais des percutantes comme ça. Faut dire qu'on n'a pas une équipe qui est capable normalement. Il y a Mike Komisarek qui avait commencé à en donner peut-être sa deuxième, troisième année. Mais, il était dans les meneurs de la Ligue pour les... Ça l'a arrêté quand Lucic le remet à sa place. Et voilà. Le pénible. Fin de l'histoire. Il commence à avoir peur. C'est ça. Mais hier, il y a eu Max Pacioretty aussi qui en a distribué deux bonnes, entre autres sur Mike Richey. Encore une fois, en fin de première période, le vieux Ricky a un peu pété les plombs, puis il a essayé d'arracher la tête à Spacek après. Heureusement, Spacek l'avait vu venir, donc il a réussi à l'éviter. Spacek s'est dompté aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, ça n'a pas été fructueux, son combat de l'autre soir, là. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu, puis il a dit que la prochaine fois, il allait se sauver, en riant, bien sûr, là, mais je pense qu'il avait quand même compris le principe. Il y avait un fond de vérité à travers tout ça. C'est ça. Hey, parlant de Max Pacioretty, il a connu tout un match, hein? Ben, tout un match, exactement. Écoute, je pense que depuis le début de la saison, Jacques Martin cherche l'espèce d'ingrédient manquant ou le troisième membre du duo Gomez-Genta. Je pense qu'il l'a trouvé. C'est sûr qu'il y a seulement deux matchs de jouer depuis que Pacioretty est arrivé, mais si ça continue comme ça, ça pourrait peut-être être la combinaison gagnante. À preuve, depuis qu'il est avec ces deux gars-là, Scott Gomez a inscrit 4 points en 2 matchs depuis que Pacioretty est avec eux. Et puis, Genta a ramassé 3 points, puis aurait pu en faire davantage hier. Là, il a manqué quelques bonnes chances de compter. Et l'arrivée de Pacioretty avec Genta et Gomez fait en sorte que Gomez a maintenant un autre joueur à qui passer la rondelle, un autre joueur à qui il peut faire confiance pour terminer un jeu. Puis justement, ça permet de varier ses jeux, parce que là, les adversaires savaient tout le temps que le jeu de Gomez, étant donné qu'il shot, qu'il prend jamais de tir au filet, que son jeu était de faire la passe à Genta. Donc, c'est pour ça que Ça marchait les autres moins équipes, bien. Les autres équipes arrivaient prêtes contre... C'est ça, la combinaison marchait plus parce que les autres joueurs savaient quel allait être le jeu de Gomez. Mais là, avec Pacioretty, sur l'autre côté, ça donne deux options. Donc, ça peut permettre justement à Junta d'obtenir plus d'ouverture vers le filet. Jonathan, j'ai une question pour toi. Oui. Qu'est-ce qu'on reproche à André Costitine du côté de Jacques Martin? Ben, on lui reproche de pas s'impliquer suffisamment. On parlait de mise en échec tantôt, là. André Costitine, c'est un gros ailier. C'est un gros ailier capable. Oui, sa principale arme, c'est son tir au but, un puissant tir au but. D'ailleurs, il ne l'utilise pas assez souvent. Ça, c'est un des points reprochés. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'avec sa charpente, il devrait être celui qui va chercher, en tout cas plus souvent, les rondelles dans le coin de patinoire, puis il devrait faire sentir sa présence davantage. Donc, les deux choses que Jacques Martin lui reproche, c'est justement son manque de tir au but et le fait qu'il ne s'implique pas physiquement. Des fois, il a de l'air, en plus, de l'air de dormir sur la glace. Tu le regardes aller, puis tu te demandes, es-tu vraiment concentré? Il tourne un peu en rond, il ne sait pas trop où se placer. Donc, c'est plus de ce côté-là que Jacques Martin a de la difficulté avec le frère André. Je comprends qu'il peut avoir l'air de flotter un peu, mais quand même, 65 mises en échec cette saison, il est parmi les meneurs de l'équipe. C'est peut-être pas tout le temps des mises en échec percutantes là, qui paraissent. Ouais. Puis André Costitine se place dans l'enclave maintenant, ce qu'il a pas fait dans les deux dernières années. Oui, mais tu as raison, mais pour les mises en échec aussi, tu as raison, mais tu remarqueras que c'est depuis les quelques derniers matchs que Jacques Martin l'a un peu puni, si on va, le descendant de trio. Costitine a connu un premier quart de saison, les 20 premiers matchs, là, exceptionnels. Il est victime de son bon début de saison. C'est ça. Puis c'est depuis ce temps-là qu'il est quand même un peu plus endormi. Et c'est depuis ce temps-là que Jacques Martin l'a un peu le rétrogradé de trio, en fait. Là. Donc, tout ce qu'il veut, là, Jacques Martin, c'est de retrouver l'André du début de saison. Puis je pense qu'il n'en manque pas gros. C'est simplement, justement, de s'impliquer davantage physiquement, de se réimpliquer physiquement, puis de prendre plus de lancers au filet. Jonathan, est-ce que ce André-là va pouvoir se retrouver sur la route? Parce qu'on s'en va dans le traditionnel voyage du temps des fêtes du côté du Canadien dès dimanche au Colorado. Le traditionnel voyage du temps des fêtes cette année, c'est 7 matchs consécutifs à l'extérieur en commençant. Et vraiment partout à travers l'Amérique du Nord. Là. Tout à fait. On commence au Colorado, ensuite Dallas, Caroline, ça c'est avant Noël. Ensuite, les Islanders, les Capitals, le Lightning et les Panthers. Entre Noël et Jour de l'An. Donc, un voyage très important, d'autant plus que c'est sur les 7 rencontres, il y en a 5 contre des équipes de l'Est. Et puis, le classement est tellement serré que c'est un voyage déterminant. Il y a 4 points qui séparent la 8e place de la 9e. Et le Canadien seulement à 8 points de tomber, si on veut, en dehors des 8 premiers, là, qui donnent des 8 premières places, qui donnent accès aux séries. Donc, c'est un voyage qui est toujours très important. D'ailleurs, au fil des ans, justement, il y a des... ça a comme été le point tournant à chaque année, ce voyage-là. Quand le Canadien a connu du succès, la fin de saison a bien été, puis le Canadien s'est bien placé pour les séries. Et quand le Canadien a connu des voyages désastreux, ou en tout cas moins fructueux, bien, ça a donné lieu à des fins de saison difficiles. Je vais donner des exemples. L'an dernier, le Canadien a fini son voyage sur la route avec 6 victoires et une défaite. Et puis, quand tu regardes au bout de la ligne, quand tu constates que le Canadien s'est classé pour les séries de peine et de misère, tu reviens à ce voyage-là et tu dis, bon, mais ce voyage-là, les 6 victoires en 7 matchs, c'est ce qui nous a permis de rentrer par la porte d'en arrière pour les séries éliminatoires et faire un bout de chemin après jusqu'en demi-finale. OK. À l'inverse, en 2002-2003, le Canadien a récolté 3 points sur 14 dans ce voyage-là. Et puis, la fin de saison a été désastreuse et une semaine après, en fait, 10 jours, après le retour du Canadien à Montréal, là, après le jour de l'an, bien, Michel Therrien a été congédié. Oui, OK, je me souviens. C'est arrivé la même chose avec Claude Julien. Le voyage du temps des fêtes, 1 victoire, 4 défaites. Et puis, je pense au milieu de janvier, au début de février, là, Bob Guinet avait décidé de descendre derrière le banc pour remplacer Claude Julien. Par contre, je regardais, on joue 2 matchs à domicile durant cette série-là, là, contre les Lightning et les Panthers. Souvent, il y a plus de monde, il y a plus de Québécois que d'Américains dans la foule. Là. Islanders aussi. Islanders aussi. C'est ça que je regardais. En fait, tu sais, oui, c'est un voyage déterminant, mais comparé aux autres années, c'est pas un voyage épeurant. Non, exactement. On affronte personne, là. Ben, 14? Ben, oui, mais ça va mal, ouais, comme c'est pas possible. Dallas, peut-être, là, qui peut, pour le reste, là, c'est tout à portée de main. Ce qui m'inquiète d'autant plus, on dirait. J'avoue que j'ai raison de plus pour pas en échapper, ouais, là, c'est parce qu'effectivement, c'est des formations qui sont pas, en fait, qui sont derrière le Canadien au classement. Mais c'est justement, c'est la raison de plus pour remporter ces matchs-là puis creuser l'écart. Et puis, probablement, justement, étant donné qu'on parle de la qualité des adversaires, là, j'ai bien l'impression que dans ce voyage-là, Alex Hall va peut-être avoir la chance de garder deux matchs. Moi, je vois celui contre les Islanders et puis celui du 31 ouais. contre les Panthers. Oui, en effet, oui, puis parce que Carey Price, c'est bien beau là, l'envoyer dans les buts tout le temps, mais à un moment donné, c'est que la fatigue va finir par s'accumuler, puis il va falloir qu'il prenne un petit peu de temps pour lui, parce qu'il reste jeune, là, c'est pas facile pour un gardien. On parle pas de Martin Brodeur qui gardait les buts pendant 90% de la saison. Non, quoi. Effectivement. Au moins le nombre de lancers diminué considérablement par rapport à l'an dernier, là, ça magane moins un gardien de but, mais malgré tout, là, quand tu gardes 70 rencontres dans une saison, tu arrives souvent en séries éliminatoires un peu essoufflé, je te dirais. Oui, en effet. Jonathan, en terminant, tu voulais nous parler des mouvements de personnel qui se sont faits dans les dernières semaines. J'imagine Dustin Boyd, entre autres. Depuis la semaine dernière, on ne s'est pas parlé, mais depuis notre dernière conversation, il y a eu quelques mouvements de personnel. Ouais. Bon, tu me lances sur Dustin Boyd. Là, écoute, il était temps qu'on le renvoie à Hamilton. Là, c'est un bon gars, Dustin Boyd, puis il a jamais chialé, mais ça commençait à faire pitié un peu, là. On parlait de rachat de contrat, dans son cas, je pense, pour lui laisser la chance, dans le fond, de signer ailleurs. Ça, là. Il a joué 10 matchs depuis le début de la saison, puis sur les 17 derniers, il en avait disputé un seul, puis c'est quand Scott Gomez a raté une rencontre, là, je me trompe pas, là, la semaine dernière, là, pour à cause de sa blessure, là. Puis tu sais, quand l'équipe te rappelle des gars de la Ligue américaine, puis les gars de la Ligue américaine passent en avant de toi, là, souvent, ça fait mal à l'orgueil, puis c'est un signe aussi que tu fais plus partie des plans, puis ton avenir, tu es peut-être aussi bien de commencer à regarder ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que ça ferait de l'échanger contre le fameux choix conditionnel, là, ou considération future? Si ma question a été contre un choix, là, vraiment, on aurait des considérations aussi. Boyd. Exactement, probablement un choix de septième ronde ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Agencé d'un panier de fruits et. On l'attend des fêtes. Une belle carte, là. Juste parce que c'est Noël dans pas longtemps, on n'aurait pas le panier. Écoute, dans les autres mouvements personnels, évidemment, on a parlé tantôt un peu de Max Pacioretty. Pacioretty a vu son vœu exaucé. Lui, il disait qu'il voulait passer la saison dans la Ligue américaine à moins de jouer sur les deux premiers trios à Montréal. Jacques Martin l'a entendu, si on veut, et puis il a exaucé son souhait. Mais il faut dire aussi que Pacioretty a travaillé très fort pour de son côté pour avoir cette occasion-là, pour avoir cette opportunité-là. Il est revenu à Montréal. En tout cas, son séjour était déterminé à Hamilton parce qu'il revenait avec le Canadien. Il paraît déjà, tu sais, même si on a 30 matchs découlés depuis le début de la saison, puis qu'il a quitté pour Hamilton là à la fin du mois de septembre, déjà il paraît plus mature, puis il paraît une grosse coche, là. Il y a une grosse coche de confiance sur le Max Pacioretty de l'automne. Il est aussi plus fort physiquement. Puis je pense qu'il a compris son rôle. Il a compris que lui, s'il va avoir du succès dans la Ligue nationale, c'est d'utiliser son lancer. C'est le même rôle qu'André Costitine, ouais. C'est ce qu'on disait tantôt. Utiliser son lancer, puis donner des bonnes mises en échec, aller chercher la rondelle pour ses coéquipiers, puis en avantage numérique, se placer devant le but. Parce qu'il ne sera jamais le power forward, l'attaquant de puissance qu'on espérait de voir. Je pense qu'il ne s'est pas assez développé au niveau de sa masse. Non, quoi qu'il reste encore quelques années pour se développer, ouais. Mais je crois pas non plus que ce soit l'espèce de Keith Kachuk du temps, là, ouais. Ou Cam Neely, ou des choses comme ça. Et puis hier soir, après le match, j'allais le pour qu'il me parle de son match. Et puis il a lancé une fleur à Guy Boucher. Étant donné, tu sais, son but, c'est un lancé, en fait. Jonathan, on semble te perdre. Je pense parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de m'appeler, mais il devra patienter. fait que c'est ça, tu sais, son but, c'est une passe qu'il a essayé devant le filet. Ça dévie sur un patin, ça rentre dans le but. Le but de Junta, c'est un autre lancé-passe vers le filet, mm-hmm. Qui a dévié. Puis il disait, il faut que je remercie Guy Boucher, pour ça. parce que c'est lui qui, tu sais, lui, il trouvait ça tellement important. Il nous disait, il arrêtait pas de nous répéter qu'il fallait lancer vers le filet, qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis j'ai décidé d'appliquer ça dans mon jeu. Puis cette année, ben, ça a porté fruit parce qu'il y a plusieurs buts que j'ai marqués dans la Ligue américaine, à cause de jeux semblables. C'est pas les plus beaux buts, mais c'est efficace. On a rappelé aussi, l'espace d'une fraction de seconde, David Desharnais. Oui, David Desharnais, qu'on a rappelé une journée. C'est pour, en tout cas, il y en a qui ont parlé d'une histoire de plafond salarial. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est un peu nébuleux. Là. En fait, c'est mathématique. Là. C'est vraiment de la comptabilité. C'est à cause de la blessure à Markov. À cause de la blessure à Markov. Là, si on veut rappeler un joueur, en tout cas, c'est une histoire de pourcentage d'espace de plafond salarial. Puis on disait qu'en rappelant Desharnais, ça nous permettait d'avoir le pourcentage de comblé devrait être plus grand, donc on pourrait rappeler quelqu'un avec un salaire plus élevé. Mais j'ai de la misère à comprendre parce que c'est le pourcentage de masse qui est utilisé dans le fond. Bon, le Canadien va recevoir une prime à la fin pour la blessure à Markov, mais il faut qu'il utilise la masse qu'il perde avec la blessure de Markov, dans le fond. Ouais, c'est ça, mais en fait c'est dur à comprendre parce que tu regardes Desharnais, puis son salaire, quand il joue dans la Ligue nationale, c'est 500 ou 650 000. Puis Pacioretty, il est à 800 000. Donc, ça valait-tu vraiment la peine de le monter pour une journée ou il aurait peut-être dû monter Pacioretty tout de suite là, pour une histoire de... Ah, ça l'a fait jaser, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça doit être l'équivalent d'une déduction d'impôt. Là. Ouais, mais pour Desharnais, c'est un bon bonnier parce que je faisais le calcul. Là, pour calculer le salaire d'un joueur, faut divise son salaire annuel par 180 jours. Et puis, dans la Ligue nationale, ça lui donne 3 055 $ par jour, alors que dans la Ligue américaine, ça lui donne 361 $. Beau petit cadeau de Noël. Un petit cadeau de 2 094 $. Ils ont peut-être fait ça pour ça aussi. Écoute, des fois, ça. Hey, Jonathan, je te remercie beaucoup de t'être joint avec nous ce matin. Ça fait toujours plaisir. Donc, on rappelle ruefrontenac.com, vos nouvelles toujours aussi sur le rapide, sur la gâchette et le journal Rue Frontenac qui est disponible un peu partout. Est-ce qu'on se parle la semaine prochaine ou je vous souhaite joyeuse fête? On se souhaite joyeuse fête tout de suite. On va recommencer nos émissions. La session prochaine vont être le lundi et les vendredis. On va avoir deux émissions semaine. Donc, on va pouvoir se parler au moins une fois par semaine à partir de ce moment-là. Bon, ben c'est merveilleux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Toi aussi, merci, Jonathan. Merci. Salut. Bye-bye. Alors, c'était Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. On s'en va en musique. On va aller écouter une chanson. Je passe un message à tous les gens qui seront sur la route durant le temps des fêtes. Alors, on va écouter l'orgueil de l'Acadie, Caillouche, avec la chanson Like a Low Volant. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est Fou. Puis la poche te gèle. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5 000 pour pisser. Même si t'as gradué, même si que t'es âgé, tu vas te faire pogner au par la GRC. Avec l'air ben cocoon, mais que tu sautes d'un ballon, ben c'est ben mieux que de se faire tuer. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude, puis la poche de gel. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5 000 pour pisser. pied. Et trois, même deux, on a du fun quand ce qu'on est sur le bout de l'aiguille. Ben c'est quand tu t'aimes dans le chemin avec un short dans les mains. C'est lorsque tu viens dangereux. La poche te gèle. Si tu bois en drivant, t'es tout arrêté. À toutes des 5 000 pour pisser. Si tu bois en drivant, t'es tout arrêté. À toutes des 5 000 pour pisser. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On y va maintenant avec la chronique football. JP Grenier qui se joint à nous de Sherbrooke. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres, les gars? Oui, ça va très, très bien. All right. Hey, JP, football américain, les Bowls, ça commence, écoute, demain, je crois? Oui. Grosse saison des Bowls encore cette année. Ça a toujours excitant. Je vais plutôt retenir trois nouvelles qui ont retenu mon attention cette semaine, qui sont assez importantes pour que j'en parle. Oui. les Bowls, on en entend parler un peu partout, donc je veux pas perdre mon temps avec ça, sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis... Écoute, même après les fêtes, je pense qu'il serait peut-être mieux de faire un récapitulatif que peut-être faire des prédictions, vu qu'il reste encore peut-être un mois pour les grosses games. Là, donc, ouais, en effet. Je ne sais pas où tu vas aller avec ça. Là, ben, écoute, vas-y avec tes prédictions pour les bowls principales. On a Toff Iceman aussi qui est sorti. Oui, je vais y aller tout d'abord. Pourquoi que le trophée Iceman, on va se débarrasser de ça tout de suite. Cam Newton. C'était pas une surprise, fait que tu t'en débarrasses. Exactement, c'est ça. Lui qui avait gagné là, pratiquement tous les trophées offensifs là, la veille dans le gala qui était réservé au trophée individuel. L'Iceman qui avait une grosse cérémonie pour ça samedi soir dernier. Même s'il y avait de bons candidats là, sans surprise, là, Newton qui l'emporte facilement là, et d'une bonne partie de points là, face aux autres candidats. Donc pas une surprise à ce point-là. Donc dans le fond, on a aperçu des 4 gros balls, là, le National Championship. On va se garder ça pour après les fêtes, vu que c'est le 10 janvier. Donc ouais. Normalement, on devrait avoir notre première émission le 10 janvier, donc on va faire un gros avant-match, on peut dire. Exactement. Donc, pourquoi pas commencer avec la Fiesta Bowl au Oklahoma qui rencontre l'Université UConn. Je pense pas qu'il y ait de surprise à ce point-là. Les Sooners au Oklahoma qui vont l'emporter. Eux qui étaient considérés comme une des meilleures équipes au début de l'année. Qui a même réussi à être numéro 1 dans l'année, contrairement à UConn là, qui fait une première apparition là, dans les bowls majeurs. Donc, ça devrait pas être trop compliqué. Exactement. Je pense pas qu'il y ait une surprise à Boise State cette année pour la Fiesta Bowl. Sinon, pour l'Orange Bowl, écoute, Stanford rencontre Virginia Tech. Stanford qui compte sur Andrew Luck, là, probablement le meilleur carrière cette année avec Cam Newton dans la NCAA au complet. Stanford qui, en plus d'avoir une excellente carrière, font état d'une excellente défensive. Donc, les Hokies du côté de Virginia Tech vont en avoir plein les bras. Là. Par contre, les CC qui présentent tout le temps des bonnes équipes au Orange Bowl, ça va être intéressant de voir... Ils connaissent une bonne fin de saison aussi, Virginia Tech. Là. Exactement, ils sont sur une lancée. Ça donc, va être un bon match. Ils ont le momentum, sauf qu'en même temps, le match est le 3 janvier. Ouais. Ils ont un mot pour se reposer, ils ont un mot pour analyser Stanford. Donc, c'est ça qui est le fun avec les Bowls, tout le temps des surprises, tu sais jamais ce qui arrive. Ouais, puis c'est aussi le problème, parce que les équipes, quand on arrive au championnat national, ça fait facilement un mois et quart à peu près qu'on n'a pas joué. Mm-hmm. On arrive là, on n'est pas prête, puis malheureusement, ça donne pas tout le temps les résultats escomptés. All right, c'est ça. Sinon, le Sugar Bowl, Ohio State qui rencontre Arkansas, le numéro 8 au pays. Bon duel offensif, des bons carrières, une bonne défensive des deux côtés. Puis ce qui va faire la différence, je pense, c'est le jeu au sol. Là. En plus de jouer sur une surface synthétique, Arkansas, qui ont tout le temps une belle réputation de former des bons porteurs de ballon. Même chose pour Ohio State au niveau professionnel. Donc, ce niveau-là, ça va être intéressant. Avec une surface rapide, puis faut pas oublier non plus les unités spéciaux là, qui, avec en étant dans un stade intérieur, n'auront pas les hasards de la température. Donc, ça pourrait, à ce niveau, se départager sur un match de peut-être 3 points. Là, ça va être un match serré à ce niveau-là. En plus, deux équipes qui ont pratiquement la même fiche. Donc, Arkansas, qui sont très surprenants cette année. Puis, pour finir dans les 4 bowls majeurs... À part de ça, là, pourquoi pas le Rose Bowl? Ben oui. Wisconsin, là, on pensait tout au Ohio State sera les représentants du Big Ten. Finalement, c'est les Badgers contre les surprenants TCU Frog and Horn. Ils le méritent, les Badgers, là. Exactement. Ça fait 2 bonnes années de fil là, qu'ils ont, là. En plus, qu'ils battent. C'est eux qui ont battu Ohio State, je me souviens bien. Ben, donc, ils le méritent. Du côté de TCU, bon, maintenant, Andrew Dalton qui représente une force à opposition de carrière. Je pense que c'est un peu la faiblesse de Wisconsin. Là. Ils n'ont jamais vraiment eu un blue chip prospect à ce niveau-là. Là, un gars qui peut faire la différence comme un peu Newton ou Locke peut le faire à ce niveau-là. Donc, écoute, TCU sont un peu, comment je pourrais dire ça, sont surestimés à cause de leur fiche qu'ils présentent. Là, encore une fois, les meilleurs de la ligue, sauf qu'ils rencontrent tous vraiment des bonnes équipes, là, à part Utah. Je pense pas qu'ils ont représenté. Ils ont affronté des grosses forces cette année, donc écoute, bon match offensif à ce niveau-là. Wisconsin présente une des meilleures fiches de la ligue au niveau de l'attaque. Là. Donc voilà les bowls pour cette année. 3 petites nouvelles là, rapidement. Là, les Vikings, on l'a vu la semaine passée, le stade qui s'est écroulé. Oui. Va jouer au stade de l'Université du Minnesota. Je sais pas si vous l'avez vu à la télé. Selon moi, c'est un des plus beaux stades qu'il y a aux États-Unis. Là. Il est récent de 2008, donc... Les petites notifications que la Ligue a dû apporter, la NFL a dû approuver, là, écoute, il n'y aura pas de vente de bière pour les partisans. Mais là... Écoute, je sais pas pourquoi, mais on dirait que l'Université de Minnesota s'attend jamais à jouer l'hiver. Le système des toilettes va faire défaut, donc on aura des toilettes portables. Écoute, le stade qui est enneigé là, sous la neige d'à peu près 3 pieds de neige, donc on a amené les pelles, on a amené les... Ben, c'est vrai que d'un côté, Minnesota ne joue jamais en décembre dans leur stade. C'est vrai, sauf qu'en même temps, des fois, Minnesota, il peut neiger en avance. Donc, ça semblait être un gros travail. Là, Minnesota, il peut neiger en juin, c'est parfois. Exactement. Sinon, Mark Trussman, l'entraîneur des Alouettes de Montréal, qui a failli être l'entraîneur des Hurricanes de Miami. Passé bien proche. Heureusement pour les Alouettes, il n'a pas été pris. On sait que Trussman, là, pas son rêve, mais son objectif, c'est plutôt d'aller dans la NFL. Donc, a sûrement pesé gros dans la décision. Mais je savais pas ça que Mark Trussman était entraîneur sous les ordres de Howard Schnellenberger dans les années 80 avec Miami. Il a gagné un championnat national avec Miami. Oui, puis en plus, il a fait son droit, là. Donc, écoute, c'est quelqu'un qui est attaché à l'université depuis une vingtaine d'années déjà. Puis écoute, ça a sûrement pesé lourd dans la décision du directeur sportif quand il a dit que son but c'était d'aller dans la NFL. Mais écoute, il se ramasse avec Al Golden, là, un des meilleurs entraîneurs au collège américain, qui était lui à Temple. Donc ça va être à suivre la histoire-là avec Miami. Puis finalement, Mike Cuban, le propriétaire des Mavericks de Dallas dans la NBA, qui lui a dit tout simplement « Je déteste le BCS ». Donc, lui, il a amené une formule intéressante. Il a dit, je suis prêt à donner 500 millions pour qu'on fasse des séries éliminatoires. C'est-à-dire que, rapidement, là, le BCS, la société BCS, reçoit quelque chose comme 550 millions de la part d'ESPN pour... ça reçoit, c'est un peu gros, reçoit 150 millions par année. De la part d'ESPN pour qu'il présente les matchs. Donc, lui, il a dit, pourquoi pas arriver avec 500 millions sur 5 ans, qui qu'il donnerait aux universités qui se rendent le plus loin. Donc, ça met une grosse controverse, ça, cette semaine, aux États-Unis. Ça va être à suivre, là. On va en savoir plus après les fêtes, là. J'aurais la chance de vous en reparler. La NCAA est toujours fermée à ça et ça risque de pas donner grand-chose, mais on peut se croiser les doigts qu'il y ait un petit développement là-dessus. Exactement. Donc, te remercie beaucoup, JP. Hey, ouais. Ça t'as-tu parlé de boxe tantôt? Ben, je suis un peu en tentation, là, sauf que, écoute... C'est pour toi, là. Je sais que t'aimes ça à boxe, fait que on peut te ramener pour la fin de l'émission. Ben, OK, ça me dérange pas. OK, d'accord. Right. On te rappelle tantôt. C'est bon. Salut, JP. À tantôt. Alors, c'était JP Grenier qui nous parlait de football NCAA. On va aller en musique. On va aller écouter les Vulgaires Machins avec la chanson Le mythe de la démocratie. Au retour, Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice se joint à nous pour parler des cataractes. Vous écoutez L'Inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez L'Inconduite de partie. Alors, c'était les Vulgaires Machins avec la chanson Le mythe de la démocratie. On va maintenant se joindre avec nous par téléphone, M. Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice. Ça va bien, Jonathan? Salut, les gars. Oui. Salut, Jonathan. Jonathan, Noël arrive. On sait ce que ça veut dire dans le monde du hockey junior, c'est la période des transactions. T'as-tu des scoops, là? T'as-tu du bon que t'as pas encore mis ça en ligne, là, mettons, là? Non, disons que c'est assez tranquille pour le moment, là, un peu partout dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La période de transaction qui va ouvrir samedi, alors pour l'instant, c'est certain que les directeurs généraux là des différentes transactions commencent à sonder le marché. Toutefois, faut pas se surprendre, là, ça partira pas en peur samedi. C'est plutôt à la fin de la période des transactions là que le marché risque de s'emballer. Et encore, est-ce qu'il va s'emballer cette année? Disons qu'il y a peu de joueurs qui seront sur le marché versus le nombre d'acheteurs potentiels. Alors, les gros coups d'éclat là seront réalisés seulement à la fin des périodes de transactions. Deux exemples assez faciles. Là, si jamais les Tigres de Victoriaville décident de laisser aller leur capitaine Philippe Michael DeVos, ils n'ont aucun intérêt à le faire en début de période de transactions. Ouais, tout avantage de le garder le plus longtemps possible, là, justement pour accumuler des points au classement général, remplir leur aréna et finalement là, continuer leur bout de chemin un bout de temps. Alors, ces joueurs-là, on pense aux Hazen, on pense aux Gormley, on pense aux Cavana, partiront pas là, samedi, ça c'est officiel. Vers quelle destination? Qui va être acheteur? Qui devrait être les gros acteurs de cette période d'échange? Ben évidemment, ce sont toutes les formations aspirantes. Est-ce que le junior peut vraiment être considéré comme un acheteur? Ça reste à voir parce que leur formation est assez bien nantie. Ce qu'on peut regarder premièrement du côté des vendeurs, là, disons que les joueurs qui sont susceptibles de bouger, c'est toujours les mêmes qui reviennent là sur la table. On parle de Jonathan Hazen chez les Foreurs de Val-d'Or. Hazen, à 20 ans, qui est un des bons disponibles sur le marché. Il y a Philippe Michael DeVos, qu'on parlait il y a quelques secondes à peine. Meilleur marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'en est un qui a l'expérience des séries. C'est lui qui a traîné les Tigres sur son dos l'an dernier en séries éliminatoires. Alors, c'est le genre de joueur là qui pourrait intéresser bien des formations pour son expérience en série, mais également pour son rendement offensif. Et il y a des gros noms là qui vont être monnayables à fort prix. On pense entre autres à Brandon Gormley. Ça serait étonnant qu'il reste à Moncton parce qu'on sait, là lui, en étant repêché dans la Ligue nationale de hockey, les chances sont très bonnes qu'il fasse le saut l'an prochain dans la Ligue américaine. Alors pour lui, ce sera ses derniers mois dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que les Wildcats peuvent prétendre se rendre au bout cette année? Je crois que la réponse est non. Alors du côté de Danny Flynn, là, on a tout avantage justement en monnayer les services de Gormley, aller chercher de l'avenir du potentiel, si on veut, là, des joueurs susceptibles là, de grossir son équipe pour les prochaines années et justement là, tirer profit de Brandon Gormley, tout comme Cavana, Harry Mouski. Toutefois, on dit que c'est de son côté, là, c'est lui qui aurait demandé à changer d'air. Est-ce que Philippe Paradis pourrait changer de camp encore une fois? Encore une fois, c'est fort possible. Le Rocket s'est rendu, permettez-moi l'expression, c'est le running gag dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À chaque début de saison, le Rocket qui dit « cette année, c'est notre année, on se rend au bout », effectue les marchés pour aller chercher de gros joueurs et en bout de ligne, là, rendu à la période des fêtes, on décide qu'on tourne le dos et que finalement on va dans une direction totalement opposée. On est toujours à quelques acquisitions près et finalement on se dégonfle. Alors ça sera intéressant de voir quelle avenue va emprunter Monsieur Savard cette année, Serge Savard Junior, qui est le président gouverneur là du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Faut dire que c'est une équipe qui est pas piquée des verts. C'est elle qui sera à Shawinigan ce soir pour affronter les Cataractes. On a qu'à penser entre autres au Ben Duffy, Philippe Paradis, Andrei Gnezrazil. Alors c'est une formation qui est redoutable. Toutefois, c'est une formation qui est capable du meilleur comme du pire. On a vu lorsque les Cataractes se sont rendus à l'Île-du-Prince-Édouard, ça n'a pas été un match facile. Toutefois, lorsque le Rocket est venu, les Cats, qui pourtant sont pas nécessairement une puissance cette année, les ont coiffés 8-2. Alors dans un match à sens unique, d'ailleurs, c'est même pas proche, là. Une équipe amorphe du côté du Rocket. Ben, je pense qu'en disant un pointage de 8-2, ça, ouais, ça laisse quand même sous-entendre ça, mais effectivement, là, c'était pas nécessairement très chic. Alors, ça sera de voir, là, la décision qui sera prise par le comité hockey du côté du Rocket, si on tente le tout pour le tout cette année, ou encore si on y va. Parmi les formations qui risquent d'être acheteuses, on peut penser entre autres aux Olympiques de Gatineau, qui cette année ont un excellent début de saison, une bonne composition. Si jamais ils avaient pu convaincre, là, Pierrick Martel de joindre leur rang, ça a été quand même toute une acquisition pour eux, compte tenu du prix payé. Toutefois, là, Martel a décidé de le retourner de dos et rester dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Donc, c'est dommage là pour les Olympiques, mais malgré tout, là, eux peuvent rêver là, faire un bon bout de chemin en série cette année. Jonathan, on va parler un petit peu de la partie de ce soir contre le Rocket. Donc, comme tu disais, Bon, on s'attend, comme tu dis, les Rockets, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Du côté des Cataractes, ces temps-ci, c'est un peu coussi-coussa, si je me trompe pas? Ouais, ben disons, c'est un peu comme ça avec les Cataractes depuis le début de la saison. De bonnes séquences, des séquences un peu plus difficiles. Donc, on a vu la séquence infernale, là, où ils ont remporté 11 matchs sur une possibilité de 12. Tout allait bien, du jour au lendemain, tout a basculé pour aller chercher 5 défaites consécutives. Alors, c'est un peu des hauts et des bas chez les Cataractes. L'avantage numérique qui était très, très, très déficient au cours des je dirais même jusqu'aux 7, 8, 9 derniers matchs. Veilleux qui n'a pas hésité à bouger avec ses combinaisons. Entre autres, là, on se souvient qu'Anton Zlobin a payé le prix. Lui qui était employé sur l'attaque massive, ont pratiqué des nouveaux jeux. Finalement, au cours d'un match là, contre le Drakkar de Bécomo, Éric Veilleux qui l'a tout simplement retiré là, de son alignement d'avantage numérique. Donc, n'hésite pas à faire des changements pour redresser la barque. Là. Et lors du dernier match, le gros but face au Husky, le gros but de la victoire en prolongation, est venu de l'attaque massive. C'est Benjamin Cazavant, encore une fois, là, qui a fait dévier une rondelle devant le but. Et lui, c'en est un là qui, justement, a reçu là, les bonnes grâces de l'entraîneur Éric Veilleux. Il a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un aussi bon joueur pour justement former un écran devant le filet et dévier les rondelles au passage. Là, Cazavant qui est très fort là-dessus et c'est d'ailleurs pourquoi là il est en demande ces temps-ci. Martin Mondou qui reçoit énormément de téléphones pour son attaquant de 19 ans et c'est normal. Benjamin Cazavant qui a vraiment débloqué au cours des derniers temps. C'en est un qui est susceptible de revenir l'an prochain comme 20 ans. Alors oubliez ça, à moins d'une offre totalement incroyable voire même ridicule, là, Martin Mondou ne devrait pas là, échanger Benjamin Cazavant, mais tout de même là, en tant que DG, son boulot et d'écouter les offres. Une équipe qui serait candidate pour les honneurs cette année, qui pense l'être aussi l'année prochaine, par contre, pour arriver avec une offre intéressante. Tout à fait. Mais qui serait de retour pour deux années. Ben, tout à fait, mais comme on le mentionnait, quel avantage aurait Martin Mondou à envoyer, disons, exemple, là, aux Sea Dogs de Saint-John, contre qui il lutte là, pour l'obtention de la Coupe Memorial. Alors, quel intérêt a-t-il de se débarrasser de Benjamin Cazavant, alors que ce sera probablement la pierre angulaire de l'attaque l'attaque des Cataractes là, la saison prochaine avec Michael Bournival, entre autres. Là. Alors, ce sera vraiment une partie intégrale du noyau des quatre l'an prochain et il n'y a vraiment aucun avantage là, à bouger Benjamin Cazavant. Donc, ce soir, l'île du Prince-Édouard contre les Cataractes, c'est à 19h30 et on va pouvoir lire le résumé du match et même les entre-périodes sur l'hebdo-du-saint-maurice.com. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Jonathan. C'est moi qui te remercie. Bye-bye. Bonne journée, salut. Alors, c'était Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. On continue, écoutez, la semaine des Cataractes, rapidement, on affrontait le Junior de Montréal, c'était vendredi dernier. C'était une victoire de 3-1 du côté des Cataractes. Par contre, le Junior a dominé le parti avec 44 lancés et ça a pris un Gabriel Girard en forme pour battre le Junior. Les buts du côté de Shawinigan, c'est Schlumpf, c'est Benjamin Cazavant et Yannick Veilleux, alors qu'il ne restait que 4 minutes à la troisième période. Du côté de Montréal, c'est Dennis Kendall et Trevor Parks en première. Donc, pas de but du côté du Junior pour les deux dernières périodes. Bonne petite foule à Montréal, 3022 personnes. Le lendemain, c'était à Rouyn-Noranda, plutôt à Shawinigan, Rouyn-Noranda qui se déplaçait. Victoire des Cataractes par la marque de 3-2. Les marqueurs du côté des Cataractes, Anton Zlobin. On retrouve aussi Joey Dubé. Et en prolongation, c'est Benjamin Cazavant. On en parlait, Benjamin Cazavant, comme quoi un des excellents joueurs présentement du côté des Cataractes. C'en était un. Michael Bournival, pour ces deux matchs-là, n'était pas en uniforme, bien sûr. Il était avec Équipe Canada. Équipe Canada, que tu peux nous parler, Sébastien? L'Équipe Canada a sélectionné les joueurs qui vont participer au prochain camp junior mondial. Ben, au tournoi, tu veux dire. Au tournoi, oui. Ouais. Puis, dans le fond, ça a été fini pour M. Bournival. C'est le seul Québécois. Tranché. C'est rare que si peu de Québécois sont retranchés. Du moins, on a quand même été avec 4 Québécois, ce qui est le... On a vu des années où il y en avait 2 environ. Donc ça n'enlève rien à sa valeur. Non, en effet. Il y a 18 ans aussi, puis il était dernier coupé. Au niveau physique, peut-être. Son gabarit n'est pas imposant, vraiment. Fait que, à la place, ils ont décidé de prendre M. Després à la défensive, Olivier Roy dans les buts, Louis Leblanc. Et Sean Couturier. Sean Couturier qui a connu un excellent joueur. Qui est le seul joueur pas repêché de l'équipe. Ben, Couturier qui, selon la centrale de recrutement Ligue nationale, qui est classé premier, ça vient de sortir là, tout récemment, là, c'était hier. Donc, pour Couturier, ça devrait, ça augure bien pour la saison. On a une équipe qui est moins une puissance offensive cette année du côté du Canada. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans les deux côtés de la patinoire, qui excellent dans les deux côtés de la patinoire. Une équipe grosse, une équipe robuste, une excellente défensive. La défensive est impressionnante. La défensive est extrêmement impressionnante. Je veux dire, il y a des joueurs qui reviennent. Ryan Ellis, Gudbranson, qui a failli faire l'équipe des Panthers. C'est lui qui s'est fait ouvrir par Travis Moen en début de saison. Dans un match contre le Canadien. Un des rares combats de Travis Moen qui a fini en son avantage. Donc, mais pourtant, il allait rapidement là, sur Travis Moen. Tu t'égares. Quand il a joué à Anaheim, il était magnifique. Puis là, c'est pas le même type de jeu non plus dans l'Est et dans l'Ouest. On a plus rien. Je pense que ça, c'est un peu ce qui vient nuire du côté des performances de pugiliste de Travis Moen. Mais pour le reste, on a une équipe intéressante, mais j'ai l'impression que la formation américaine devrait être très solide encore une fois cette année. Le tournoi est sur leur terre. Tu me diras que Buffalo, c'est à 5 minutes du Canada, mais c'est sur leur terre quand même. Donc, au HSBC Arena, il va y avoir pas mal de monde qui vont se déplacer. Ça commence le 26. Comme à chaque année, c'est mon cadeau de Noël que le monde du sport me fait et que je peux donc pas me passer et regarder ça en famille. Surtout quand c'est pas en Europe, les heures sont plus avantageuses pour nous. Mais je sais que TSN.ca diffuse tous les matchs sur leur site web en haute qualité. Donc, vous êtes au travail et vous voulez perdre du temps. Les matchs d'équipe Canada et les matchs des autres places, des autres équipes, ça va valoir la peine. On vient au hockey junior majeur. Le classement, suite à cette semaine, les Cataractes de Shawinigan sont quatrièmes dans la division TELUS Ouest, toujours devancés par le junior de Montréal qui vraiment a pris une avance, qui sont deuxièmes dans la ligue, devancés seulement par un point par les Sea Dogs de St. John's. Les Voltigeurs sont deuxièmes et les Olympiques sont troisièmes dans la TELUS Ouest. Dans la TELUS Est, c'est toujours les Remparts premiers, suivis des Maniacs de Lewiston. Et je vous parlais des Sea Dogs, ils sont premiers dans les Maritimes, suivis par le Titan de Caddy Batters. Batters qui, malgré une bonne saison, connaît des foules très, très, très, très, très, très décevantes encore une fois cette année. C'est à se demander comment le hockey va faire pour survivre dans la région, dans cette région des Maritimes, là, au Nouveau-Brunswick. Je suis un peu inquiet pour eux, mais bon, c'est pas la seule équipe qui est inquiétante non plus dans la Ligue de hockey junior majeur. Il y en a 3-4 qu'on pourrait nommer. On va pouvoir les relocaliser de manière, il n'y a pas de problème. Ouais, mais les marchés ouverts sont quoi? Pour l'instant, non, mais d'ici 2-3 ans, il va y avoir des nouvelles arénas, comme qu'on parlait à Laval. J'ose. Oui, mais à Laval, ils l'ont eu en plus. Là, ils ont eu le Titan. Ah, ouais, mais l'aréna, le colisée de Laval. Le colisée de Laval, House of Pain. Là, mais, c'était magnifique. En fait, c'est House of Pain parce que c'est douloureux de revenir dans l'aréna parce qu'il mouille toit est percé. Puis, pas très édifiant de la part de la troisième plus grosse ville au Québec. Oui, c'est assez. C'est un peu pathétique, mais bon, on ne retombera pas sur le débat des édifice, on va en avoir pour longtemps sinon. Donc, on va aller à une pause. Au retour, on va parler du combat Bernard Hopkins, Jean-Pascal. On va revenir sur UFC 124 et on va parler soccer aussi tout d'abord parce que Philippe va nous faire un petit 5 minutes rapide sur la Barclays League, la Premiership anglaise. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur CIF. Les fêtes, c'est fou. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Et vous êtes de retour à la conduite de partie sur les ondes de C'est fou, il est 10h34. Je plug notre nouveau site web, le nouveau inconduitedepartie.com qui a été mis à jour et qui est... j'en suis fier. C'est très beau, mais merci WordPress. Visuellement intéressant. Merci WordPress qui est une plateforme magnifique. Ça fait des miracles tout seul. C'est le futur. Donc, n'hésitez pas à vous nous contacter. C'est le live à commercialinconduitedepartie.com. On y va avec La Ligue anglaise, le foot. Oui, la Ligue anglaise, rapidement, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Comme en fait, toujours. Newcastle affrontait Liverpool. Victoire de Newcastle 3-1. Début de Nolan, Barton et Carroll du côté de Newcastle. La riposte du côté de Liverpool est venue du pied de Coit. Aston Villa affrontait West Brom. Victoire de 2-1 d'Aston Villa. Début de Downing et Eskey du côté de West Brom. C'est Charner. Stoke City affrontait Blackpool. Un seul but marqué du côté de Blackpool. Et c'est Campbell. Victoire de 1-0. Manchester City affrontait West Ham United dans un bon match. Vraiment un très bon match. Tout a commencé avec Touré Yaya à la 29e qui marque et ensuite Green contre son camp. En fait, le Green est le gardien de West Ham. A marqué dans son propre filet. Et ensuite, Johnson est venu faire 3-0. La riposte est venue du pied de Tompkins à la 88e minute. Bolton affrontait Blackburn. Bolton, victoire de 2-1. Début de Mwamba et Holden du côté de Blackburn. C'est Diouf qui a marqué. Wolverhampton Wanderers, mon équipe préférée à nommer, et affrontait Birmingham, victoire de 1-0, un but de Hunt. Ensuite, Tottenham affrontait Chelsea. Ça va pas très bien pour Chelsea dans les dernières semaines. On n'est pas capable de reprendre le rythme qu'on avait en début de saison. Un but de Drogba à la 69e qui vient porter le match nul. Pavlyuchenko avait marqué à la 15e pour Tottenham. Et finalement, Manchester United affrontait Arsenal dans un match qui aurait été des allures offensives, si ce n'avait été que de la piètre performance des deux attaques, des deux côtés. En fait, Park est le seul à avoir marqué à la 40e victoire de Manchester United, 1-0, justement au classement. Quelques petits changements. Ce match-là, Manchester contre Arsenal, était pour la première place. Donc, Manchester qui prend la première place avec 34 points, suivi d'Arsenal et Manchester City à 32. Chelsea à 31, dégringole un peu plus. Tottenham, Bolton et Sunderland suivent dans l'ordre. Et voilà, c'était pas plus long que ça dans la Barclays League. On rappelle en fait que la Ligue des Champions s'est terminée la semaine dernière. On va avoir le début de la ronde des 16 mi-février. Donc on va vous parler de ça également au courant de la prochaine saison. Ça devrait être ça aussi, peut-être au niveau de la Ligue française, de la Ligue espagnole, de la Ligue italienne, aussi ajouter un peu là, de valeur ajoutée pour que tout le monde soit satisfait de notre couverture du foot à l'international. Ben merci beaucoup, Philippe. Alors, on va aller maintenant, on va le rebonjour en studio. Ça va bien, JP? Oui, toujours. Oui, JP. Oui. Excuse-moi, c'est mes écouteurs. Pas trop. Mes écouteurs étaient à temps. Alors, messieurs, allons-y tout de suite. Let's get ready to rumble! Alors, c'était Bruce Buffer qui nous fait une belle introduction sur le combat qui s'en vient fin de semaine. Sébastien Proulx. Parlant de M. Buffer. Parlant de Bruce aussi. Ou? On l'a jamais entendu annoncer le combat de Georges Saint-Pierre. Y avait-tu trop d'ambiance pour ça? C'était pire qu'un match canadien, là. En série, je pense. Ah ouais? Là. C'était incroyable, des tremblements, tout. C'était impressionnant à quel point que le combat ultime au Québec prend l'envergure. Et vraiment, prendre l'envergure, sauf qu'il devait y avoir beaucoup d'Américains. Tu n'avais pas parlé si français que ça dans la foule. C'était pas mal francophone, je dirais. Tu étais dans le pit en haut, hein? Ouais. Ah, c'est pour ça. T'étais avec le petit peuple. Ouais, en bas, il y avait des vedettes. Ouais, il y avait les vedettes puis tout ça, tous ces gens-là. T'as pensé quoi du UFC 124? Pour ma part, j'ai adoré l'expérience. C'est la première fois que j'assistais à UFC. J'avais été voir TKO avant. OK. Mais c'est vraiment pas pareil. Là. Si on parle de 10 000 personnes à 23 000, puis c'est la classe est différente aussi. Là. Fait que j'avais parlé des combats canadiens, que ça allait mal pour les Canadiens, mais finalement, les Canadiens se sont quand même bien débrouillés. Oui. Il y a deux Canadiens qui ont gagné des combats. Dont un qui a été cherché soumission de la soirée, je crois. C'est M. Beauchet. OK. Contre Asselet, c'était impressionnant. Asselet a tombé. Ben là, c'était une soumission, mais tu t'as vu la douleur qu'il avait, c'était assez incroyable au niveau de la jambe. Sinon, il y a Thiago Alves qui a remporté son match contre M. Howard par décision. Joe Dyer-Stevenson a perdu le call la soirée contre Danzig. Jim Miller a battu par soumission en première ronde. Oliveira qui était invaincu, sa première défaite. Et le combat entre les deux géants. Ça valait la peine d'avoir la longueur ça, de jambes de Struve de 6 pieds et 11. Et c'est le plus grand qui a gagné, hein? Ah oui, c'est le plus grand, mais il était maigre. Hein? C'était un grand, mais il était vraiment maigre. Contre un gars qui était imposant à 265 livres. Co-premier round de l'homme de 6 pieds et 11. les jambes, là, je pense que ça faisait la job au complet. Là. Juste pour ça, je n'avais jamais vu ça. Sinon, au combat principal, parlons de Georges Saint-Pierre. Totale dominance. Kochek était pas là du tout. Ça a pas aidé le fait qu'au premier round, il y a eu un coup dans l'œil qui a fermé. La cadre sourcilière, je sais pas si c'était une fracture, mais. Non, il y avait l'œil fermé. Non, mais on parlait du côté des commentateurs au comme début. Quoi on pensait que ça pourrait être une fracture de l'arcade sourcilière, ouais. Ce qui a fait que ça a grossi autant que ça. Le médecin est arrivé au troisième round, il a regardé, il a demandé à Kochek, est-ce correct, ça pourrait être dangereux finalement. Joe Rogan, qui fait le qui est commentateur pour les matchs, ouais. Il dit la chose suivante. Et le médecin de la régie des sports du Québec, la régie des combats du Québec, est, pour vous décrire, bon, un peu enrobé, et a une bonne barbe blanche. Oh, alors, il dit la chose suivante. Chris Kringle, get the hell out of there. Get the hell out of here. Chris Kringle, sort de là. Donc, en français, mettons, Saint-Nicolas, débarque de là. j'écoutais le match dans mon salon. J'écoutais le combat dans mon salon. J'ai trouvé ça très, très drôle parce qu'on voyait un peu j'ai trouvé le Québec d'un côté avec lui qu'on connaît, qui est une figure connue pour tous les amateurs de combat, et Joe Rogan, qui ne connaît absolument pas et qui vient le traité de Père Noël. C'était un des moments, à part la victoire, là, un des fessayants de ma soirée, ce bout-là. Là. Mais quel combat et quelle dominance de la part de GSP? Encore une fois, là, on ne sait pas ce qui va arriver pour son prochain combat. Il y a peut-être Jake Shield qui était encore... il était au niveau de Strike Force, c'était le meilleur dans les 170. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir affronter Saint-Pierre, qui catégorise meilleur que Silva? Il a annoncé cette semaine qu'il était meilleur au monde, selon lui, que Silva. Mais je pense pas qu'il y ait de combat entre Silva et Saint-Pierre dans un proche avenir. Non, moi non plus. Une grosse décision. Et Saint-Pierre a dit que le s'il était pour monter de poids puis aller affronter Silva, ça allait se faire progressivement. Qu'il allait probablement prendre une année là, pour... partir de la masse puis arriver là prêt arriver parce là c'est la question de perdre la rapidité dans tout ça que ça pourrait être ben, c'est pour ça que ça peut pas se faire trop grand risque ça peut pas se faire en 10 minutes non ça peut pas se faire en 10 minutes ça va prendre une année minimum pour aller chercher le parce que Saint-Pierre est dans les 170 Silva est dans les 185 s'est battu dans les 205 aussi avant fait que lui en plus, le poids il est capable de le manier quand même assez facilement fait ben, que, c'est plus facile. C'est plus facile de descendre que monter, on peut-tu dire ça? Selon moi, oui. Ouais. Parce que tu prends plus de rapidité, même si tu descends, ta rapidité va être meilleure. Sauf que peut-être que tu perds un peu de force. Sauf que. C'est plus avantageux de descendre au combat ultime qu'à la boxe. On pourrait-tu dire ça? Selon moi, oui. Parce qu'à la boxe, c'est seulement, comment dire, les bras et bon, les muscles du haut. Donc, tu te dois d'être fort pour le nombre de coups. Tandis que en arts martiaux, à part GSP qui a utilisé son jab à profusion, comme probablement on n'a jamais vu un jab être utilisé dans un combat. Ils passaient tout. C'était le premier round, ils ont tout passé. C'était la stratégie à adopter, par contre. Là, il fallait pas qu'il y allait au sol dès le départ. Ça se peut-tu que Josh Koscheck ne s'attendait pas à ça? C'est quand ils ont tout passé que Koscheck a comme fait non, je vais en manger une à soir. Ça n'a pas d'allure, tout passe. Il a commencé à être effrayé après le premier round, puis il a comme abandonné, puis à la fin, on a comme vu qu'il l'a remercié de ne pas l'avoir démoli plus que ça. Il a été inséré dans ses bras, il a dit quoi à l'oreille pendant un petit bout. Il a dit qu'il s'excusait un peu de tout ce qu'il avait pu dire, que c'était pas pour voir le combat. Pas son meilleur combat. Non, Saint-Pierre, il est fatiguant. Il a dit que Kochek, c'est un bon gars. Il a demandé à la foule de l'applaudir dans le fond. Il a dit, il a fait de la promotion, tu sais. Il a fait le bad boy, mais dans le fond, c'est ça qui a permis que ça soit aussi populaire Montréal. Il a surtout été chercher un plus gros cachet grâce à ça. Parce que Kochek, on l'a dit la semaine dernière, Josh Kochek, son but à lui, c'est pour vendre des billets, pour devenir quelqu'un de plus haut dans les classements, le fait qu'il y a une grande gueule puis qu'on le voit beaucoup, c'est ce qui fait qu'il monte plus rapidement comparé à un autre, nomme n'importe quel autre dans la catégorie qui est plus bas parce qu'il se fait moins connaître. Mais Josh Kochek, il est interchangeable dans cette catégorie-là avec deux, trois autres là, facilement, mais les autres, on les connaît pas à cause de ça. Ben, donc, pour lui, ça a été le gros avantage. Donc, victoire de GSP, victoire convaincante dans son cas, et ça n'a pas été un problème. Alors, on va maintenant parler de boxe. De boxe. Allons-y avec la boxe en fin de semaine. En fin de semaine. En direct de Québec, c'est Jean en direct Pascal. Du Colisée de Québec. Jean-Pascal va affronter Bernard Hopkins. Et les festivités ont commencé lors de la conférence de presse. Régis Labombe encore au cœur des... Régistance, toi. Au cœur des festivités. Régistance, toi, s'il te plaît. D'accord avec ça, JP, on t'a oublié un peu? Ah non, mais vous êtes tellement excellents, les boys. Tout ce qu'ils font, c'est nous écouter. Comment tu vois ça, TGP, combat en fin de semaine? Ben, écoute, c'est sûr que ça va être, d'après moi, un combat très excitant, là, une légende contre l'élève, je pense. Écoute, c'est tellement pas prévisible, là. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. L'expérience d'Hopkins va sûrement lui servir, tandis que Pascal, il est là. Non, il n'est pas là pour impressionner vu que c'est lui le déteneur du titre, là, sauf qu'en même temps, il y a des choses encore à prouver pour vraiment là faire partie de l'élite. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que Pascal va l'emporter, mais par décision, pas unanime des juges, là, partagée. Partagée ou du moins très serré. Là. Exact. Je me tape un KO de Pascal. Est-ce que... Parce que Hopkins, c'est derrière lui. Là. Oui, je le sais. Il a battu ses maîtres affiches de l'AOIA. Il a battu Joppy, Tarver, Pavlik, Roy Jones en fin de carrière. Mais sa dernière victoire contre Roy Jones, ça n'a pas d'allure. C'est un gars de 40 ans. Là, ouais. On commence à oublier Hopkins avec le temps aussi. Là. En même temps, les gars, pour avoir su pas mal la carrière d'Hopkins, son style de boxe fait en sorte que ça va être dur pour Pascal de le faire passer le KO parce que il fait ce gros du grabbing, comme on l'appelle dans le langage de la boxe, là. Il s'agrippe tout le temps aux autres boxeurs. Donc, lorsque Pascal va plutôt vouloir enchaîner les combinaisons de coups, il va avoir tendance à aller gripper son adversaire. Donc, c'est là que ça va être difficile. C'est pour ça, je pense que Pascal va perdre beaucoup de temps à ce niveau-là. Dans les rounds, surtout en fin de round, pour véritablement semer le coup qui va faire la différence, là. Est-ce que du côté de Pascal, par contre, l'expérience? Déjà, la première fois, c'est la première fois que ça arrivait que quelqu'un a joué dans la tête à Pascal un petit peu avec ce qu'on a vu à la conférence de presse. Pour ceux qui n'ont pas vu la conférence de presse, je vous explique ce qui se passe. Régis Labeaume. Régis, on te tweet de là. Régis avait la ceinture de Jean-Pascal dans les mains et Bernard Hopkins s'approche et met la main sur la ceinture et Régis... il laisse! Non, mais Régis... Pour la première fois de sa vie, Régis désarçonné. Désarçonné. Complètement. Donc, non, la patente de Clotaire Appaille, là, ça, c'était assez désarçonné. Après Clotaire... Après Clotaire, Bernard Hopkins. Donc, d'un fraîchier à un autre. du côté de... Hopkins, de toute façon, honnêtement, qu'est-ce que Régis aurait pu faire? Je vais prendre la ceinture. Oui, c'est beau, excuse-moi. Tu sais, Régis... Mais non, mais là, mets tes culottes. OK, non, hey. Déjà que t'en as pas long à enfiler. De toute façon. Mais non, mais... Tu sais, il te frappera pas, Régis, là. Ouais, mais... Tiens la ceinture. Régis, la bombe, son rôle, c'est d'être neutre. Mais peu importe. Donc, Bernard Hopkins saisit la ceinture et à partir de là, Jean-Pascal voit ça, s'approche, tu me donnes ma ceinture. Et c'est devenu un peu comme à la lutte. On se parle proche, donne ma ceinture. Ouais, ça ressemblait vraiment à un show de lutte. Là. Soit ça ou dans la cour de récréation quand on était jeune. Tu sais, je volais la casquette à quelqu'un puis je la tenais en arrière de moi. Là, puis il y avait la surveillante pas loin, fait que je savais qu'il ne pouvait pas me frapper. Ça ressemblait à ça un peu. Là. On a joué dans la tête à... Oh, mais toi, Nicolas, t'as été plus petit que tout le monde. Là, fait que ça... Ouais, mais à radio, ça paraît pas. Mais, où je me faisais faire ça, là, peu importe. Donc, de ce côté-là, on a joué dans la tête à Pascal. Est-ce que tu penses que ça pourrait devenir un... Est-ce que ça pourrait venir lui nuire, Sébastien? Selon moi, non, parce que Pascal est bien plus dur que ça. Il y a autant de... Tu sais, il est aussi baveux que Hopkins. Dans sa... De toute façon, aussi, il a battu Dawson, là. Si t'avais mis Dawson contre Hopkins, le monde n'aurait même pas eu, je pense, de question de prendre pour à ce point-là. Hopkins off. Dawson, il était invaincu, il avait battu des têtes d'affiche lui aussi, il était jeune, plus en forme. Pascal l'a battu, fait que selon moi, il n'y a aucune chance que ça vienne jouer dans la tête à Pascal. J'ai un peu de misère avec ta fin de combat. Moi, je pense pas qu'on va avoir un knockout. Bernard Hopkins a jamais été knocké de sa carrière. Il a toujours perdu des décisions. Moi, d'après moi, ça s'en retourne en décision encore. Ben, j'ai l'impression, j'ai la même impression que toi aussi, Philippe. J'ai un KO. Vous y allez KO? Sérieusement. Mais Pascal n'est pas un grand cogneur, là. Non, mais je suis quand même... Il a 45 ans, le bonhomme, là. Il a 45 ans, mais il est encore en forme, là. Il a 45 ans. Je veux dire, George Foreman... Bon, OK, ça compte pas, George Foreman. C'était pas les meilleures années de la division heavyweight, hein, cette année-là. Et boy. À cette heure, il y a une bonne rôtisserie. Non, c'est pas une rôtisserie, c'est un grill. Là. Ah, il fait des grills. La qualité. La qualité, c'est des bons grills qu'il fait, en plus. Comment que je vois, par contre, après ça, bon, tout dépendant, on extrapole, Pascal remporte ce combat-là. qu'est-ce qui s'en vient après ça pour lui? Exact. Bonne question. Hein? Bonne question, hein? On n'est pas dans la même catégorie que Lucian Bouté, mais ça se parlait beaucoup. Ça va lancer le débat. Le débat, hein? Ben oui. C'est Pascal qui est moins pesant que Bouté, je crois. Bouté est plus pesant. OK, c'est ça. Attends une minute. Je suis pas certain de ça. On va vérifier. Recherchiste, si tu pourrais me sortir ça, s'il te plaît. Ouais, excusez, je recherchais qu'arrive-t-il si Jean-Pascal remporte. Mais... Des fois, tu poses des questions à Google puis t'as ta réponse, mais ouais. Là, bon, j'en avais pas. Okay. Donc, je m'en vais là-dessus sur pas long. Ben, demande à Google qui est le plus pesant. Mais non, pour revenir à ce qu'on disait, du côté de Pascal, et si on l'emporte, c'est sûr que ça va relancer, mais je trouve pas que c'est à l'avantage d'aucun des deux de s'affronter présentement. On a deux vedettes montantes québécoises à la boxe. Bouté est toujours sans défaite. Pascal a une défaite. Une défaite seulement. Qui était contre Carl Froch. Est-ce que ça serait le bon mot? Je pense pas, parce que on va unir, donc un va tomber dans l'oubli, tandis que là, on a deux vedettes qui peuvent monter et peut-être un jour s'affronter, peut-être un jour. Moi, je verrais plus en fin de carrière, mais mettons... Peut-être pas attendre Stéphane Ouellet-Davidson. Une défaite de Buté, peut-être qu'il va dire oh, « pourquoi pas Pascal une autre fois? » Mais tu sais, pourquoi prendre le risque quand présentement, t'as pas perdu son encore une fois? Les gars, pour qui était le plus lourd, j'ai trouvé ce Boxrec. Mais écoute, Pascal a le titre des mi-moyens. OK. En tout cas, Lucien Bouté, c'est les super moyens. OK, ouais. C'est donc, ça la différence. Il y a peut-être 5-6 livres de plus. C'est ça, c'est rien de compliqué, c'est un bang. Avec ou sans trou? Oh, ça dépend, là, par contre. Là. Toi, t'es plus Timbit. Non, moi, je suis plus Jean Chaumeur, tu sais, avec de la crème dedans, puis tout, plein bang, là. Non, ça, c'est deux catégories de poids. C'est bizarre, mais. Un Boston, deux catégories de poids. Payé plus cher pour de l'absence. Un Boston. Ouais. Ah, tout dépend. Si on tombe dans la catégorie roue de tracteur. C'est pas pareil. C'est les meilleurs, les roues de tracteur. Et là, les gens sont en train soudainement de se demander. J'ai-tu changé de poste sans faire exprès, moi, là? Je suis désolé, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans son automobile qui a fait pas de vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et on vient d'augmenter les ventes chez Tim Hortons ce matin. Voilà. Mais non, on va avoir droit à un combat super intéressant. C'est sur les ondes, c'est sur la télé payante, là, très logiquement, là, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la carte aussi? Un des frères d'un de nos comparses en communication. Oui, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières, qui est invaincu, qui a signé un contrat avec Golden Boy. Fait que ça va être son premier combat avec eux. Il n'y a pas un adversaire solide, mais les premiers combats, c'est souvent c'est contre un Mexicain qui commence ici ou qui a quand même beaucoup plus de défaites que de victoires. De toute façon, on bâtit une carte, c'est pas nouveau là, qu'on bâtit une carte, pas une carte, mais une carrière combat par combat en défaisant tout le monde des adversaires plus faciles. Là. Mais ça va être une bonne occasion pour Zouski de se faire voir, un petit gars de la Mauricie, fait que c'est une bonne nouvelle. Sinon, il y a Pierre-Olivier Côté. Il y a Kevin Bizier puis Paulie Malignaggi. Kevin Bizier. J'ai déjà joué au hockey. Il me semble que... Non, je me mélange avec un autre. Non, c'est peut-être c'est... dans ton coin, mais non, pas... Ben, il me semble le nom dit quelque chose du genre... Jean-Pierre Vigier, mais pas... Non, genre Ligue nord-américaine de hockey, mais je me trompe avec quelqu'un d'autre. Le combat le plus intéressant, c'est le deuxième combat, le combat de... Le premier combat à sous-carte, dans le fond, entre Paul Malignaggi et Michael Lozada. Deux gars, écoute, l'affiche de Malignaggi, j'ai de la misère à dire. Malignaggi. Il est dur à dire et à écrire. Et 27 victoires, 4 défaites. Du côté de Lozada, c'est 36 victoires, 6 défaites, un match nul. Deux gars d'expérience. Malignaggi qui a déjà été champion du monde, si je ne me trompe exactement. Pas aussi. Donc, ça me fait bizarre de le voir invité par Jim, lui. Parce qu'avec Ken Goudjo, on se souvient, il y avait une grosse controverse. Ah, il avait affronté. Puis, il avait affronté Manny Goudjo, il avait gagné contre Manny Goudjo en 12 ans. Ouais, mais c'était vraiment controversé. Puis il me semble qu'Yvon Michel voulait rien savoir, pas de l'inviter dans ces gars-là, sauf de faire affaire avec ce groupe-là. Donc, j'ai l'impression, si tu veux mon avis, que c'est pas nécessairement Jim qui a pris la décision. Pourrais-tu que ce soit Showtime qui a pris la décision, vu que Showtime est le diffuseur du combat aux États-Unis, d'avoir une tête connue aux États-Unis à part Hopkins, mais avoir un autre combat qui va pouvoir faire vendre. Parce qu'on parle quand même d'un combat qui devrait se vendre aux États-Unis. Là, Hopkins, c'est un gros nom qui est vendeur. Pascal, lentement mais sûrement, sauf que c'est lui qui a la ceinture. Puis Malignaggi, écoute, il a quand même affronté Ricky Hatton, Cotto, et ouais, un ancien champion, donc, ça l'a tué tout le temps. Ouais, c'est ça, là, j'essaie de trouver la ceinture qui dont il était le World Light. Ben écoute, il était le champion Light Welterweight title. Écoute, Light Welterweight, c'est 150 kg. Non, mais en français. Bonne question. OK, c'est pas grave. Light Welterweight, c'est léger, super léger. En tout cas, c'est pas grave. Donc, de cette division... Au-dessus de plume. Ouais, c'est ça. C'est les 140 livres. Et il a perdu ça dans un combat contre Amir Khan, ce qui a fait qu'il a perdu la ceinture. Ou du moins, c'était Khan qui était le détenteur de la ceinture et il l'a pas détenteur. Gagné. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai. Mais un combat qui va être très intéressant. Pour le reste, le Martin Desjardins, le punching bag de service qui va affronter Peter Quillen. De son côté, Quillen, 21 victoires, 0 défaites. Desjardins, 7-18 plutôt. Il s'en sert comme spectacle. C'est un punching bag. Exactement. C'est carrément ça. Même, il y avait un texte là-dessus dans la presse il y a quelques semaines. Donc, si vous voulez lire ça, savez-vous. Alors, avant de terminer, les gars, là, en ce moment, Jean-Pascal et Bernard Hopkins échangent des coups sur Twitter, savoir lequel sera champion et lequel avancera dans l'histoire. Donc, c'est pas à ce point en live, là, pour pas en peur. Tu vas être capable d'aller le voir dans 5 minutes, ça sera pas disparu. Non, mais j'haïs vraiment Twitter, et on a un Twitter sur C'est Fou. Mais. Même ça, c'est moi qui vais être responsable du Twitter de C'est Fou la saison prochaine, mais ça s'échange sur Twitter. Ouais. À défaut de l'avoir fait pendant la conférence de presse. Eh ben écoute, non, mais c'est rendu quand même assez monnaie courante, là. Twitter sert souvent à mousser les. Est-ce que Régis est un. J'ai pas vu Régis. Écoute, j'ai pas pensé à aller voir Régis. Régis sur Twitter. Hein, j'aurais dû aller voir. D'ailleurs, pendant qu'on a 2 secondes d'écart, là, vous irez voir la mascotte des Trashers et son coup de marketing avec Twitter et la Zamboni. Qui s'est sauvé et qui a dérobé la Zamboni de l'aréna des Trashers. Hey, merci beaucoup, JP, d'avoir été là. All right, pas de trouble, les boys. Joyeuses fêtes. Ouais, joyeuses fêtes à toi aussi. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous souhaite joyeuses fêtes, les gens à la maison. On espère que passez ça en sécurité et passez ça... faites attention sur les routes, peu importe l'état que vous êtes. Et Pas de temps, peu importe. Là. Faites attention et ne soyez pas dans n'importe quel état sur les routes. Regarde, le message était clair. Okay, c'est bon, continue. Mais pas de guerre, là, c'est Noël, les gars, on s'aime beaucoup tout le monde. Ouais, on s'aime. Donc, on sait sa musique. Joyeuses fêtes tout le monde, ça je l'ai dit. Joyeuses on sait sa musique, on va l'écouter. Le volume était au maximum. Visitez-nous, inconduitdeparti.com, et on vous revient le 10 janvier pour la première émission de la bi-hebdomadaire de l'inconduite de parti. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Bonne semaine tout le monde, et bon, joyeux Noël, bonne année.